Ézéchiel chapitre 12. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, tu demeures au milieu d'une maison rebelle, au milieu de gens qui ont des yeux pour voir, et ne voient point, et qui ont des oreilles pour ouïr, et n'entendent point, parce qu'ils sont une maison rebelle. Toi donc, fils d'homme, fais-toi l'équipage d'un homme qui déloge, et déloge de jour, eux le voyant, déloge, dis-je, de ton lieu pour aller en un autre, eux le voyant, peut-être qu'ils y prendront garde, quoiqu'il soit une maison rebelle. Tu mettras donc dehors pendant le jour ton équipage, tel qu'à l'équipage d'un homme qui déloge, eux le voyant, et sur le soir tu sortiras, eux le voyant, comme quand on sort pour déloger. Perce-toi la paroi, eux le voyant, et tire par là dehors ton équipage. Tu le porteras sur l'épaule, eux le voyant, et tu le tireras dehors sur la brune, tu couvriras aussi ton visage, afin que tu ne voies point la terre, car je t'ai mis pour être un signe à la maison d'Israël. Je fis donc comme il m'avait été commandé, je portai dehors durant le jour mon équipage, tel qu'à l'équipage d'un homme qui déloge, et sur le soir je me perçai la paroi avec la main, je le tirai dehors sur la brune, et le portai sur l'épaule, eux le voyant. Et au matin la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, la maison d'Israël, maison rebelle, ne t'a-t-elle pas dit, qu'est-ce que tu fais? Dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, cet ordre dont je suis chargé s'adresse au prince qui est dans Jérusalem, et à toute la maison d'Israël qui est parmi eux. Dis, je vous suis pour un signe, comme j'ai fait, ainsi il leur sera fait, ils délogeront pour s'en aller en captivité. Et le prince qui est parmi eux, portera sur la brune son équipage sur l'épaule, et sortira, on lui percera la paroi pour le tirer par là dehors, il couvrira son visage, afin qu'il ne voie point de ses yeux la terre. J'étendrai mon rai sur lui, et il sera pris dans mes filets, et je le ferai entrer dans Babylone, au pays des Chaldéens, mais il ne la verra point, et il y mourra. Et je disperserai à tout vent tout ce qui est autour de lui, son secours, et toutes ses troupes, et je tirerai l'épée après eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les aurai répandus parmi les nations, et que je les aurai dispersés par les pays. Et je laisserai de reste d'entre eux quelque peu de gens, préservés de l'épée, de la famine et de la mortalité, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations vers lesquelles ils seront parvenus, et ils sauront que je suis l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, mange ton pain dans l'agitation, et bois ton eau en tremblant et avec inquiétude. Puis tu diras au peuple du pays, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, touchant les habitants de Jérusalem, à la terre d'Israël, ils mangeront leur pain avec chagrin, et ils boiront leur eau avec frayeur, parce que son pays sera désolé, étant privé de son abondance, à cause de la violence de tous ceux qui y habitent. Et les villes peuplées seront désertes, et le pays ne sera que désolation, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, quel est ce proverbe dont vous usez touchant la terre d'Israël, en disant, les jours seront prolongés, et toute vision périra? C'est pourquoi dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ce proverbe, et on ne s'en servira plus, pour proverbe en Israël, et dis-leur, les jours et la parole de toute vision sont proches. Car il n'y aura plus désormais aucune vision de vanité, ni aucune divination de flatteur, au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, et la parole que j'aurai prononcée sera mise en exécution, elle ne sera plus différée, mais, aux maisons rebelles, je prononcerai en vos jours la parole, et je l'exécuterai, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, voici, ceux de la maison d'Israël disent, la vision que celui-ci voit, n'arrivera pas de longtemps, et ils prophétisent pour des temps qui sont encore éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, aucune de mes paroles ne sera plus différée, mais la parole que j'aurai prononcée, sera exécutée incessamment, dit le Seigneur, l'Éternel.